pour déplacer ta remorque ou ta roulotte, pour un voyage de pêche ou pour amener tes enfants à leur partie de soccer. Et comme tu travailles fort, ça te prend un camion pour te surpasser. Le Ford 950 est pour toi. Tous les autres camions voudraient lui ressembler, mais il n'y a qu'un seul Ford F-150. Passe le voir chez Jean-Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien et profite de la super promotion du prix employé Ford. Tu obtiendras les meilleurs rabais sur tous les véhicules Ford et sur ton F-150. On t'attend chez Jean-Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien. Le camp d'entraînement du multiconseillère de Beaumont-Sessier va commencer dans une dizaine de jours. Et là, maintenant, ben, on est en train de préparer l'an 1 de l'équipe du CHS de Saint-Bruno, la nouvelle équipe de la Ligue du Lac au Fleuve. Et question, on a nommé un instructeur au cours des dernières heures, il s'agit d'Éric Gauthier. Question de savoir un peu, de connaître davantage, quelles sont ses projections, lui parle. Salut Éric. Salut Danny. Éric, d'abord, si on parlait un peu de l'équipe jusqu'à maintenant qui a été formée par le CHS, d'abord, pourquoi avoir accepté ce nouveau défi? Ben, premièrement, je ne compte plus mes années dans le coaching. Je pense que je vais entamer ma 18e ou 19e année. Okay. Les deux dernières saisons, j'étais avec des jeunes, le Midget 2B. Ouais. Puis quand l'opportunité, j'ai envoyé mon CV à l'organisation du CHS. C'est tous des gars que j'ai déjà coachés à l'époque où quand ils ont fait le stage junior 2A. Ouais. Fait que j'arrive dans un terrain pas inconnu. OK. Éric, si on parlait un peu du côté des joueurs, est-ce que maintenant, est-ce qu'il y a une liste de faits? Est-ce qu'il y a une liste de est-ce que jusqu'à maintenant, il y a combien de joueurs qui se sont manifestés avec le CHS? On a une liste de prospects, si je peux m'exprimer ainsi, là, d'à peu près peut-être une 40-45 noms. De là à avoir des joueurs de confirmés, ça reste à voir encore. Oui, on en a, mais je te mentirais pas, on n'a pas 20 joueurs de confirmés. Toi, dans un monde idéal, c'est quoi? Une dizaine de confirmés, un noyau de 10 joueurs par la suite, un noyau de 10-15 joueurs par la suite, c'est... Continue, c'est ça? Dans un monde idéal, là, c'est sûr que dans un monde idéal, j'adorerais avoir 20 joueurs là tout le temps. Sûr, c'est sûr, c'est la mais chimie, la réalité du senior, on connaît toute la réalité du senior. Si je peux avoir là, peut-être 10, 11, 12 gars réguliers à tous les matchs, moi, ça va être super. Là. Okay. Ça va être super. As-tu fait des premiers contacts avec les joueurs depuis que tu étais nommé coach? Oui, c'est des balbutiements, on commence tranquillement pas vite. Il y en a qui nous ont confirmé que oui, ils vont être là. Il y en a d'autres qu'il va falloir qu'on travaille un petit peu plus fort. Mm. Mais tu sais, on va se faire, je pense qu'on commence à pratiquer le mercredi 18 septembre. Okay. Puis on invite vraiment là, c'est at large, là, tout le monde peut venir, puis on va tout expliquer c'est quoi, comment ça va fonctionner. Comment est-ce qu'on veut procéder pour la saison. OK. Éric, est-ce que ça a été réglé avec Dolbeau-Mistassini, la question de territoire? Là? Ben, ça, je sais que moi, quand j'ai été engagé, je me suis informé pour le territoire, c'est quoi le territoire, et je me suis fait dire que c'est le même territoire que le Midget 2B à Alma. Donc, de Debian jusqu'à Sainte-Monique. OK. Tous les joueurs dans ce secteur-là, à partir qui ont 22 ans et plus, nous appartiennent. OK. Par contre, c'est ça. Les joueurs qui évoluent soit à l'Abbé, soit à Dolbeau, qui sont de notre territoire, si on veut les avoir, il faut aller les chercher via transaction. Comme un gars comme Jonathan Fleury, qui était un bon joueur l'année passée pour Dolbeau-Mistassini, il tombe pas automatiquement par Alma. Il est toujours avec le multiconseillère. Exactement. OK. Il va-t-il avoir un pêcheur d'expansion, par contre? Ça, c'est une très bonne question. On se rencontre justement ce soir-là, moi, Charles et Samuel Blackburn, pour discuter de ça. Honnêtement, là, c'est peut-être une semaine que j'ai été confirmé comme entraîneur. Puis en plus que là, dans l'hockey mineur puis dans la tombe 2A puis tout, là, ça brosse un peu. Mais on va vraiment en savoir plus à partir de ce soir-là. OK. Dis-moi, est-ce que tu entends évidemment le fait que ça fait plusieurs années que tu es dans le coaching? J'imagine que tu comptes là-dessus, tu es connu, tu as dû être apprécié pour essayer de convaincre des joueurs de t'aligner avec le CHS. Ben, c'est sûr que quand il y a des joueurs qui ont passé sous ma gouverne avec les Aiglons juniors 2A, On a créé des liens. C'est des joueurs que j'ai coachés là, peut-être une dizaine d'années, qui sont encore, je suis encore en contact avec eux régulièrement. Par contre, à l'époque, il n'y avait aucune contrainte de travail, de famille, il y avait juste l'école. Maintenant, la contrainte, c'est la famille et le travail. Okay. Fait que là, il va falloir qu'on, ouais, va qu'on deal avec ça. Là. C'est de là, important d'avoir une quarantaine de joueurs. Là. Exactement. OK, OK. Dis-moi, les adjoints, est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec eux pour les adjoints? Ben, j'ai fait des approches. Je te dirais que ce qui est le plus dur à trouver, c'est ça. C'est vraiment des entraîneurs adjoints. On s'entend que ça prend pas Pierre-Jean-Jacques non plus. J'ai une couple de noms en tête. J'ai déjà commencé des approches, puis j'attends des retours d'appel. OK. Donc, tu donnes évidemment que ton entraînement est le 18 septembre. Il n'y a pas urgence, mais c'est pas loin, là. Il n'y a pas urgence, mais il commence à être minuit moins quart, là. Okay. Je te dirais que, tu sais, là, oui, il fait encore 30 degrés dehors, ouais. Mais, tu sais, la saison de hockey commence, là. Tu sais, les plus jeunes sont déjà commencés. Fait que plus ça va aller, plus ça va être les plus vieux qui vont s'en venir sur la glace. C'est sûr, c'est sûr. Dis-moi, c'est quoi vraiment que tu entends du côté, quelle sorte d'équipe que tu entends avoir au cours des prochaines semaines, de mettre sur pied, là? Une équipe vraiment qui travaille fort, une équipe talentueuse, une équipe grosse, c'est quoi que tu entends faire? On dénaturalisera pas le Seigneur. Ouais. C'est là, c'est le forum. Ouais, c'est sûr. Ceux qui pensent qu'ils vont venir à l'Arena Samuel Gagnon, en espérant voir 5, 6, 7, bon, peut-être qu'ils vont partir déçus de l'aréna. Mm. Par contre, s'il y en a qui viennent à l'aréna pour voir du hockey intense, robuste, puis avec des beaux jeux de hockey, là, on va gagner des spectateurs. Oui, il va y avoir de la bagarre. Okay. Oui, il va y avoir de la bagarre, mais moi, là, des bagarres planifiées là, sur sa mise au jeu, là, comme à l'époque des Condors, là, tu sais, là, je pense qu'on est passé, on est passé à autre chose. Par contre, une bagarre dans le feu de l'action, oui, ça va arriver, ça c'est sûr et certain. Puis c'est le fun parce que avec Dolbeau, avec l'Abbé, je pense que ça va être des rivalités qui vont être bonnes à suivre. Là. Ouais, effectivement. Mais pour du hockey, ça va être du hockey intense. Mm. L'aréna, la glace à l'aréna Samuel Gagnon à Saint-Bruno, c'est pas une glace olympique. Ah, non, c'est vraiment petit. Fait que ça peut faire pif-paf-pouf assez solide, là. Ouais. Dis-moi, est-ce que du côté des de l'engouement, est-ce que j'avais parlé cet été, quand l'équipe avait été confirmée, j'avais parlé avec avec M. Blackburn, est-ce que tu as senti un engouement, c'est sûr que c'est l'été, mais tu as senti un engouement pour le hockey senior à Saint-Bruno? Ben, je pense que oui, parce que tu vois, là, oui, t'as raison de dire que c'est l'été, c'est vrai, mais là, comme j'ai dit tantôt, le hockey recommence. Mm. Là, les gens reviennent dans les arénas. Puis là, ben, en sachant que c'est moi qui coach, ben là, ça commence à poser des questions. Quand est-ce que vous allez jouer? Puis tout. Je pense que il va y avoir, tu sais, pour les premiers matchs, il va y avoir du monde. Le monde va venir voir. J'ai les faire revenir. Ça, pour les faire revenir, ça prend un beau spectacle, ça glace, spectacle d'hockey, puis du jeu intense, puis on va gagner des spectateurs avec ça. Le bouche à oreille va se faire. Puis d'après moi, là, ça devrait être une saison, une belle première saison. Le fait que c'est à Saint-Bruno, ça va-tu vous aider? Ben oui, je pense que oui. Parce que honnêtement, là, moi, j'ai joué senior. J'ai joué avec avec Metabet à l'époque. Mm. Puis après ça, ben, nous autres, on est transférés au centre Mario Tremblay. OK. Parce que, bon, on visait... Ben, les propriétaires de l'époque visaient peut-être gros. Une grosse arena. On va remplir la cabane. Oui, il y avait du monde. Mm. Sauf qu'il n'y avait pas d'ambiance. Ouais. Le monde est loin. Ouais. Tandis qu'à Saint-Bruno, tu vas rentrer 250-300 personnes, ça va être chaque va être full, puis le monde est proche de l'action. OK. OK. OK. Je pense que ça peut être winner sur ce plan-là. Ouais. Ben, Eric, on va te souhaiter la meilleure des chances. On va se reparler. C'est sûr qu'on essaie de couvrir plus le petit concessionnaire, mais Alma, Saint-Bruno, c'est pas tellement loin. Fait qu'au plaisir de se parler, ouais. On va se parler tout au long de la saison. Parfait, je vous remercie beaucoup, Daniel. Éric Gauthier, l'instructeur chef du CHS de Saint-Bruno.